plus ferme ta gueule. Me parle pas de misère, honte à toi si t'as fait couler une larme à ta mère. Tu fais des gosses, t'assumes, tu prends soin de mon grand. T'es qu'un fils de lâche et tu les laisses en reste avec la maman. Prends tes responsabilités, t'es plus un enfant. C'est arrivé, c'est le destin, t'assumes, demande pas, je fais comment. Maintenant t'es papa, mets-les dans le droit chemin. Rattrape pas le mec tout en avion, encore mon train. Va prévenir les remparts, surtout les effraie pas, je vais le voir rassuré. Dis-leur que t'as fait une erreur et t'auras un gosse à assumer. Sois un grand garçon et sèche tes larmes. Et au passage cultive-toi car le savoir est une arme. Moi je dirais plutôt que le savoir est une lame. L'intelligence est tranchante, tu tromperas haut si t'as mal. Va rejoindre ta femme, elle a peut-être besoin de toi. Et t'as supporté les épreuves durant ces 9 mois. T'as fait un enfant, tu sais plus quoi faire. T'as peur d'annoncer la nouvelle à ta mère. Fallait penser avant, pleurer des rivières. Tu te vois déjà cramer entre les flammes de l'enfer. T'as fait un enfant, tu sais plus quoi faire. T'as peur d'annoncer la nouvelle à ta mère. Fallait penser avant, pleurer des rivières. Tu te vois déjà cramer entre les flammes de l'enfer. Garde la pêche, garde la tête haute. Dans ton cerveau ça cogite, tu dis que c'est ta faute. Tu pètes les plombs, t'as la haine, t'envies tout claquer, envahi par ta fierté. Et là tu te vides, tu penses au passé. La main sur le cœur, tu fais tout pour te surpasser. Laisse pas la peur dépasser, t'en as assez. Envie de te barrer loin de l'erreur que t'as fait. Va aider ta femme, ça arrive l'hiver. Et ton gosse répondra quoi quand ses potes tu diront il ou ton père. Moi j'ai grandi sans daron, vu mon frère derrière les barreaux. Ma mère galérait à la fin du mois à compter les euros. Tu crois que je suis heureux, j'en veux à la France m'avoir rendu malheureux. Alors comprends, c'est la vie est un long couloir. Si tu vois pas maintenant, ça sera 10 ans ton fils au parloir. T'as fait un enfant, tu sais plus quoi faire. T'as peur d'annoncer la nouvelle à ta mère. Fallait penser avant, pleurer des rivières. Tu te vois déjà cramer entre les flammes de l'enfer. T'as fait un enfant, tu sais plus quoi faire. T'as peur d'annoncer la nouvelle à ta mère. Fallait penser avant, pleurer des rivières. Tu te vois déjà cramer entre les flammes de l'enfer.